changer d'air. On pourrait peut-être voir la mer et puis s'y noyer. Toi tu pourrais me dire je t'aime quand une autre coule dans mes veines, que t'es pas passé. On pourrait aller voir le ciel, qui sait s'il nous attendait. D'en bas il semble si parfait, si parfait. On pourrait peut-être cueillir les fleurs d'amour de ton empire et puis les faner. Toi tu pourrais demain t'enfuir quand tu me trouves trop laid, trop ivre, que tu cries assez. Prends la clé de la liberté, ouvre la porte d'un monde meilleur. Ne te soucie pas de mon malheur, dis-toi que je l'ai mérité. J'aimerais comprendre tes désirs et pouvoir avec toi partir, au moins t'en parler. Mais un autre parfum m'aspire et il dessine mon avenir. Cette vie sans toi ratée. Oh, m'en veux pas, écrite en histoire sera belle avec tout sans moi. Alors ne tombe pas de l'échelle, celle qui mène à des soirs moins noirs. Moi, ben moi, j'aurais changé d'air. Elle s'appellera Marie ou Claire, elle te ressemblera parfois. Je t'aimerai, elle m'aime.